Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, déjà numéro 10. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro, et ce soir je suis accompagné de mon comparse Murdoch. Comment vas-tu, Murdoch ? Eh ben, très très bien, très très content du sujet qu'on a choisi pour, ce soir. Pareil. Je t'avoue que l'enregistrement de ce format me manquait. J'avais vraiment à cœur de reprendre mes petites platines vinyles, mes petits disques et venir en parler à tes côtés. Donc, ouais. Le sujet du jour est vraiment pour nous cher à la A-Team parce que ce soir, nous allons parler des musiques de films. Et donc, bien évidemment, pour ce format, donc, on va dire OST, ce sera plus simple. Ouais. Donc, pour Original Soundtrack, on a décidé de faire un petit édito. Est-ce que tu pourrais nous poser la question, mon cher Murdoch. Et oui. Et donc, pour toi, Mikado, c'est quoi une bonne OST ? Ah, une bonne OST, je vais être assez simple dans ma réponse. Pour moi, c'est une OST, c'est une musique qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire que même sans connaître le film, tu peux apprécier l'album tel quel. Et je trouve que si en plus elle te rappelle quelque chose à l'œuvre que tu as en tête ou que tu as regardé, c'est la grosse plus-value. Mais j'ai envie de dire, un bon album de musique, c'est presque un album qui n'a pas besoin du support film. Film, ouais. Est-ce que tu as deux, trois exemples qui te viennent en tête ? À la limite, pas 80s, dont on va parler plus tard. Ah, par exemple, la plupart des albums de films des productions de Tarantino. Ouais. Je pense tout de suite, par exemple, à Reservoir Dogs, la BO de, par exemple, de Shaft, tu vois, qui est plus datée, qui se suffit vraiment elle-même, où tu n'as pas du tout besoin de connaître le film pour l'apprécier. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple ? Ah. Le Passage. Non, je déconne. Mais je suis en single, hein, Le Passage. Ah, moi j'ai acheté le vinyle depuis notre enregistrement et j'ai jamais écouté, je suis désolé, mais je ferais que je fasse un effort. Non, mais enfin bon, je pense que tu me comprends. Et toi, évidemment, je te pose la question, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne musique de film? C'est exactement pareil que toi, j'avais exactement les deux mêmes critères, c'est-à-dire soit un disque que tu poses et que tu laisses tourner, soit justement un réal qui a fait de très très bons choix. Et alors moi, je suis plutôt sur Edgar Wright, puisqu'il a sorti cette année un très très bon film, Baby Driver, donc qui est très axé musique. Je l'ai toujours pas vu, je l'ai loupé, mais il paraît que la musique, c'est un acteur du film. La musique est très très bonne, et sur sa trilogie Cornetto, il a aussi des choix très très bons. Il y a le Don't Stop Me Now de Queen, il y a pas mal de morceaux qui sont assez, assez sympas, et surtout Dernier Pub Avant la Fin du Monde, qui est axé 90s, et qui reprend énormément de tube de musique anglaise des années 90. Et c'est deux BO, moi, que j'aime beaucoup de ce réalisateur-là. Ouais, de toute manière, on vous conseille, enfin, personnellement, je parle également ton nom, on vous conseille cette trilogie qui est disponible sur Netflix, que j'ai découvert très récemment et que j'ai dévoré. Alors, mon cher Murdoch, comme tu le sais, j'aime discuter avec nos auditeurs, nos poditeurs sur les réseaux sociaux, et j'ai posé la question. Et bien, comme d'habitude, encore une fois, les auditeurs, on vous aime d'amour parce que vous nous avez répondu. J'étais même un petit peu obligé de faire des choix parce que sinon, ça serait un podcast sur les réponses. C'est sincère, mille merci et évidemment, mille excuses si nous ne vous citons pas. Alors, dans ce que j'ai relevé, on commence par notre copain Damien Trémollet, donc du podcast Animer nos mélodies, qui évidemment s'est senti directement concerné parce qu'il lui-même propose dans le cadre de son émission des musiques de dessins animés de notre enfance ou de manga. Enfin, c'est très pointu dans ses critiques. Donc Damien nous dit « Une bonne OST est une musique qui marque et qui n'a pas besoin de l'image pour exister, car elle nous donnera d'elle-même le souvenir d'un événement lié à la musique, Back to the Future, Danse avec les loups. » Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Ouais. Il dit « De toute manière, je ne garde que cela en général, Backdraft, et aussi une réussite, JFK, Abyss, qui veut la peau de Roger Rabbit ?» C'est vrai ça, je connais pas spécialement l'OST, mais je pense qu'elle te rappelle énormément de souvenirs. Plus Back to the Future, ouais. D'accord. Et évidemment, il cite l'incroyable Indiana Jones qui est revenu à peu près à chaque commentaire, soyons clairs. Hein. On a Indiana Toys qui nous dit « Ce qui caractérise une bonne OST, c'est d'arriver à capter les émotions du film, les bons et les mauvais moments d'un film et de les retranscrire en musique comme dans la BO de Rocky IV. » Je l'ai le disque de Rocky IV. J'ai failli le sélectionner, mais bon, ça aurait été redondant avec nos dernières productions. Hein. Toy Kitsch, qu'on salue, mon copain Patrick. Une bonne OST, c'est un thème qui, dès qu'on l'entend, on a les images du film, même les yeux fermés. J'avoue que je suis assez d'accord. Et il donne des exemples. Le flic de Beverly Hills, Rocky. Rocky ouais. revient très régulièrement. Hein. Rambo, L'histoire sans fin. Lady Hawk, ça, je connais bien le film, mais l'OST ne m'avait pas marqué. Pas mais trop. Je jetterai une oreille. Et évidemment, Indiana Jones. Et il précise, et ça, j'aimerais avoir ton avis, Murdoch. Il dit, chose bien plus rare de nos jours, où beaucoup de BO sont totalement génériques. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, il y a beaucoup moins de grands thèmes qui sont créés actuellement. Il y a eu peut-être pour Harry Potter, j'aurais tendance à dire, récemment. Et encore, moi, j'adore la BO d'Harry Potter. Oui, elle est très très bonne. Ouais. Mais, et le thème est marquant aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de grands thèmes qui sortent. Mais bon, après... Oui, il y a toujours des très bonnes BO qui sont faites, hein, mais c'est vrai qu'il y a moins de grands thèmes. On a David Rampillon qui nous dit « Je suis moi-même compositeur. J'entends souvent, entre guillemets, la musique, je n'y fais jamais attention. » De la part de réalisateur producteur, il dit « Hashtag totalement con ». Donc, une bonne BO, c'est une œuvre qui améliore l'image. Elle complète, nuance, amplifie, et il cite évidemment Jaws, Blade Runner et Edouard aux mains d'argent. J'ai pris mes petites notes, hein. Ça, c'est un film qui est culte pour moi, mais la musique ne m'avait peut-être pas marqué. À Tim Burton, il y a toujours eu des bonnes BO. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand tu me dis Tim Burton, je pense à la BO de L'étrange Noël de Mr. Jack. Mais ça, c'est encore autre chose. Xavier Pelange. Une bonne musique de film doit illustrer et amplifier les intentions du metteur en scène. C'est souvent la musique qui fait que certains passages sont cultes pour moi. C'est vrai. Il y a des trucs vraiment, là tout de suite, moi je dis par exemple Superman, bah, tu penses aux trucs héroïques, enfin, c'est des scènes marquantes. Hein, la musique joue avec les émotions du spectateur. Je citerai la BO de Willow qui renforce le côté épique du film. Et bah, il a raison. Et moi, Xavier, nous sommes d'accord avec toi. Alors, on a John Doe 2B qui nous dit « Il faut que ça véhicule de l'émotion » et il nous cite évidemment Vangelis. On a Jean-Marie Aherens qui nous dit « Un bon morceau en soi qui apporte quelque chose au film et vice-versa. Le titre de la musique du film se confond et se renforce. » Il nous cite par exemple la BO de Rocky 3, Axel de Beverly Hills, c'est vrai ça tout de suite. Et ça, alors là, je valide à 200% Totoro. Parce que Totoro, Totoro. Bon, bref. Et enfin, notre copain Yetcha, qui lui carrément nous a répondu sur Facebook parce que Twitter, il n'y avait pas assez de signes pour lui. Il dit une bonne OST. Attends, je vais la faire à la Yetcha, tu permets ? Ouais, vas-y. Oui, bonjour, c'est Yetcha. Alors, une bonne OST ? Vous êtes bien sur Radio FIP ? Pardon, Yetcha. Comme ça, on verra si tu nous écoutes. Alors, une bonne OST, c'est celle qui nous plonge dans un film dès les toutes premières notes de musique. Celle dont on connaît l'origine dès les premières notes. Il nous cite Star Wars, Magnum dans les séries, Indiana Jones, tu vois encore une fois, Retour vers le futur, Robocop, mon Yetcha, tu as tellement raison. Les Dents de la Mer, Rocky, tu vois finalement, hein, il y a des gros classiques qui reviennent systématiquement. Ouais. Il nous dit, j'ai sur mon portable une notification sonore pour mes SMS, mails, etc., qui est composée des deux premières notes du générique de Dallas. Et il dit, juste deux notes, c'est ça la force d'une OST, deux notes, et ça fait ding dans le cerveau. Et c'est vrai que... Et voilà. Moi, ça y est. T'as vu, t'as fait deux notes et on a résumé tout. Quoi. En gros, ce qu'il faut en retenir, je pense, bah, un peu de ton point de vue et du mien finalement, c'est que bah, une bonne OST, elle s'écoute d'elle-même. Et les auditeurs ont l'air de dire également... que bah, elle te rappelle des moments clés ou des moments puissants dans un film. Et dans l'idée, l'un dans l'autre, je trouve que nous avons raison et les auditeurs également. Bon, on va rester sur Rocky parce que c'est un peu notre thème cette année, on va dire. C'est l'année Rocky. J'adore la BO de Rocky. Hein. Les BO, vous aviez fait un excellent numéro sur le sujet. Et c'est vrai que, en plus de te rappeler des moments clés, des moments intenses, bah, d'ailleurs, on vous invite à écouter nos derniers podcasts, hein, notamment le cadeau bonus qui parle de la musique de Rocky. Mais c'est également des musiques vraiment excellentissimes qui s'écoutent d'elles-mêmes. Quoi. Alors, c'est toi qui vas lancer ton premier choix de BO. Oui. Alors, on commence, bon, on triche un petit peu, mais Wiz, il nous a autorisé, parce que là, je vais te proposer... Ouais, bah oui, parce que la dernière fois que je vous ai écouté, vous êtes, c'était la fête du slip. Hein. Je sais plus ce que vous aviez fait, mais moi, c'était spécial année 79. Mais moi, je triche encore plus parce que je t'invite à l'année 1978 et je te propose la BO de Midnight Express. Et le titre que j'ai choisi, c'est le thème tout simplement de Midnight Express, mais chanté par Chris Bennett. Donc bah, c'était le thème hein, de Midnight Express. Déjà, mon petit Murdoch, est-ce que tu valides, tout simplement ? Ah bah oui, Moroder, moi j'adore, donc oui, oui. Voilà, donc bah, tu l'as tout dit. Hein, donc bah, moi, pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que là, pour le coup, là c'est le film qui est pour moi lié à la musique. Parce que j'ai découvert le film Midnight Express quand j'étais adolescent. Et ça m'avait retourné, quoi. Vraiment, la mise en scène. Et là, pour le coup... la BO du film m'avait vraiment transposé dans le sens où, pour moi, elle est acteur intégralement du film. C'est-à-dire que tu t'enlèves les moments clés de Midnight Express et tu mets une musique lambda, je trouve que ça fonctionnerait beaucoup moins. Et puis au-delà de ça, pareil, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en édito, la BO s'écoute d'elle-même, vraiment, même sans connaître le film, tu peux complètement l'apprécier, quoi. Et donc toi, Murdoch, parce que évidemment je t'ai soumis mon choix et t'as dû probablement t'écouter l'album, est-ce que tu connaissais, est-ce que t'apprécies ? Tu peux le dire complètement que ça va pas du tout. Oui. Mais, non, bon, comme je t'ai dit, hein, moi c'était... Moroder de toute façon, et c'est un grand grand classique, et c'est une BO qui est tout aussi mythique que le film. Et comme tu l'as dit, hein, elle se suffit très bien à elle-même dans le sens où tu l'écoutes ça, tranquille, sans problème. Mais pour le coup, moi j'aurais juste 2-3 petits mots à dire sur le réal du film. Donc Alan Parker qui a réalisé deux autres films que j'adore et qui sont aussi liés à la musique. The Commitments et aussi la mise en image de The Wall. Donc le grand film, le grand album des Pink Floyd. T'es en train de me dire qu'on aurait pu choisir The Wall ? Bah oui, The Wall c'est de 82. Oh là là, non mais je pensais qu'on le film est de 82. Si je me trompe pas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette BO. Je la connaissais pas vraiment dans le détail. Et ça m'a fait plaisir parce qu'on retrouve vraiment tous les accents qui font le style de Moroder. Mais par contre, j'aurais une question. Pourquoi la version chantée ? C'est vrai que j'aurais pu... parce que, en fait, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que la version grand public, c'est la version instrumentale, curieusement. Oui. Mais je trouve que... D'ailleurs, j'avais creusé un petit peu hein, cette chanteuse. Elle a pas fait grand-chose, malheureusement, après la BO de Midnight Express. Mais... La voix qu'elle pose sur cette musique, elle te transpose. Je trouve que tu vois, et il y a une mélancolie qui s'en dégage. Mais à chaque fois que j'écoute la musique, sans même avoir le film en tête, j'ai une sorte de nostalgie. Tellement la musique, elle transpire la détresse. Ouais. Je sais pas si ça te fait moi j'ai retrouvé surtout des petits accents de Barbara Streisand. Alors je sais pas si maintenant que tu le dis, oui c'est vrai. C'est tout à fait. Quand t'as pris la version chantée, je me suis dit tiens il y a des petits airs de Barbara Streisand. Oui. Et voilà. Alors là on va commencer donc à ton premier choix. Ouais alors on va s'écouter The Trashman qui nous chante Surfing Bird. Donc c'était The Trashman Surfing Bird et c'était extrait de la BO de Full Metal Jacket, donc un film sorti en 87. Alors en gros, dans ces années-là, je dis pas tout à fait ces années-là, mais on va dire un petit peu plus tard, on va dire dans les années 89-90, j'ai commencé à découvrir trois grands films sur la guerre du Vietnam. Donc il y a eu Platoon, Good Morning Vietnam et Full Metal Jacket. Oui. Là c'est marrant, je l'ai jamais vu celui-ci. Lequel ? Full Metal Jacket ? Full Metal Jacket, ouais. Oui, il paraît. Très très bien. Et donc j'ai choisi de parler du dernier, C'est celui que je trouve le meilleur pour les deux angles qu'utilise Kubrick, donc sur le propos, c'est-à-dire la préparation des combattants, et après une deuxième partie du film sur le terrain. C'est un film qui montre toute la cruauté, on va dire, de la guerre de manière assez brutale. La galerie de personnages, elle est parfaite. C'est un film que j'aime bien revoir, même si il a quand même un accent très, très dramatique. Et j'ai revu Platoon dernièrement et j'ai failli le choisir donc pour la scène, pour une scène particulière du film. Mais pour parler une prochaine émission peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Et pour parler donc de la BO de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de Full Metal Jacket, ça mélange pas mal de morceaux de la fin des années 60 et du début des années 70, et aussi un petit peu de musique créée pour le film. Il y a le fameux Woolly Bully dont on a parlé avant. Oui, parce que Mr. Wiz, hein, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, bah on te salue parce que bien évidemment on pense tout de suite à Rouler bourré. Ouais, d'au bonheur des dames. Et donc moi j'ai choisi plutôt ce titre parce que c'est un moment assez fort du film où en fait un des héros tue son premier ennemi sur le terrain et c'est vraiment assez, assez représentatif de l'état d'esprit que ces gamins... Ouais, c'est marrant cette musique. Ouais. Bon, je savais pas qu'elle faisait partie de cette BO. Mmh. Évidemment je la connaissais, mais parce qu'elle a utilisé à toutes les sauces, souvent pour mettre en scène des trucs un peu ubuesques. Et là, je pense qu'il y a un décalage un peu volontaire par rapport au film, oui, malheureusement que je n'ai pas vu. Et ça fonctionne pour le coup. Ah bah ça fonctionne parce que faut avoir la scène du film en tête. Hein. Je pense que ceux qui l'ont vu l'auront. Et la musique, elle fait totalement. Et dans l'ensemble, tu valides l'album ou alors il y a des tout sauf la première. Alors parce que j'ai adoré ce que tu m'as écrit sur le conducteur, c'est je te conseille de passer la première, trois petits points, c'est douloureux. Ouais, la première. Alors je confirme parce que c'est un espèce de rap épouvantable, on peut dire les choses sur un peu 1, 2, 3, 4, 5, on se lève, 6, 7, enfin tu sais les trucs militaires. Ouais. Alors moi évidemment j'ai fait mes devoirs, hein, j'ai bien écouté plusieurs fois la BO, il y a des très très très bons titres, par contre toutes les musiques pour le film, donc les scores, j'ai beaucoup moins adhéré. Et curieusement, moi, s'il y avait un titre que j'aurais retenu, c'est le titre de Nancy Sinatra. Ah oui, This Boots, qui est énorme. Et je me demande, j'ai pas pris le temps de regarder, si ça n'a pas été utilisé dans notamment une des BO de Tarantino. En tout cas, ça serait probable. Nancy Sinatra a été utilisé une fois, mais pas ce morceau-là. Ouais. Ah d'accord, en tout cas ce morceau, c'est vraiment celui que j'ai préféré dans l'album. Alors oui, dans les morceaux justement, dans la partie score, il y a quand même deux morceaux qui sont intéressants, c'est Leonard et Sniper, qui sont parfaits pour poser l'ambiance du moment. Hein, mais si t'as pas vu le film, c'est... Et petite question par rapport un peu à notre édito, pour toi c'est une musique qui se suffit à elle-même ou, non justement, vraiment, elle est attachée au film pour beaucoup de choses. Le score, effectivement, si t'as pas vu le film, il va comme tu l'as vécu, c'est-à-dire il va pas spécialement te parler, mais par contre dès que t'as vu le film, tu revois un petit peu ces deux moments qui sont clés du film et sont assez assez poignants, on va dire. Mais voilà, donc on va passer à ton deuxième choix, pour le coup un film français. Oui, alors moi je vais vous proposer le titre It's Only Mystery de l'album Subway. How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies. My heart is no beginner, but still I can lose my temper. Donc c'était It's Only Mystery, donc on parle évidemment du film Subway, hein, 1985, hein, Luc Besson, avec Adjani, Lambert, vous savez, en blond et tout. Soyons honnêtes, le film, j'en garde pas un souvenir ému, parce que je l'ai vu il y a bien une quinzaine d'années, hein, même peut-être un peu plus, et je l'avais pas trouvé transcendant. Très récemment, j'ai dégoté le vinyle en vide-grenier, probablement. Le titre est chanté par Arthur Sim. J'aimerais parler un petit peu du bonhomme, parce que malheureusement, il a eu une très très courte carrière, parce qu'il est né en 1953 à Baltimore, et est mort à 34 ans, malheureusement, des suites du sida. Je trouve qu'il a une voix exceptionnelle, et notamment puissante, notamment quand il part dans les aigus. Alors malheureusement, le film Je sais pas ce qu'il vaudrait aujourd'hui. Je sais pas si toi tu l'as vu, tu me diras. Alors je l'ai vu, ouais, je te dirai après. Ah, et en revanche, la scène où donc Arthur Sim rechante un plus ou moins a cappella dans le film cette chanson est vraiment d'une grande. C'est un ange, voilà. C'est quand Arthur Sim chante, bah t'as les petits oiseaux, il a des ailes qui poussent dans le dos. Enfin, moi je suis fan absolu de ce titre. Pour la petite anecdote, bah, dans le film, le batteur, bah, c'est Jean Reno. Ah bon ? Oh la vache. Ouais. Ah ouais. Tu regarderas, quoi. Et bon, pour parler un peu de l'ensemble de l'album, malheureusement, il est assez quelconque. Hein. J'ai pris le temps de l'écouter plusieurs fois. Et je dis pas qu'il est pas sauvable. Dans l'ensemble, il est, comme on dirait aujourd'hui, il est relativement random, c'est-à-dire qu'il est relativement sans intérêt. Mais rien que pour le titre « It's only mystery », ça vaut hyper le coup. Dernière anecdote, parce que tu sais que j'aime les anecdotes, et ben, il y a Christine and the Queen qui a fait une magnifique reprise de ce titre. Alors donc, je te pose la question déjà, est-ce que tu connais ce bouet ? Alors ce bouet, j'ai dû le voir, mais il y a de ça très très très longtemps, ça fait que j'ai pas vraiment de souvenir particulier de ce film. Alors pour en revenir à la BO, bah ça m'a laissé un petit peu indifférent, mais comme toi, je l'ai écouté plusieurs fois. Voilà, exactement, c'est le terme, c'est exactement ça que je cherchais, indifférent. Tu vois, et je pense que c'est le pire de tout hein, comme compliment. J'ai creusé un petit peu pour voir ce qu'il y avait derrière. Tu vois, le morceau Guns N' People, je trouve que c'est assez fadasse, il y a des bons trucs, des morceaux comme Masquerade ou Man Why, c'est bien foutu, il y a des petits accents jazzy quand même qui sont bien, ouais. Mais il y a les claques qui viennent un peu gâcher, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça aurait pu être bien, mais c'est un peu loupé. C'est dommage parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il y avait quand même déjà Eric Serra en commande. Ouais. Alors que j'aurais pu le sélectionner, mais là malheureusement ce sera peut-être pour une autre émission, mais la BO du Grand Bleu, à l'époque, elle était exceptionnelle. Quoi. Mmh. Enfin, encore aujourd'hui, elle s'écoute très bien. Bon, c'est très synthé, machin, tout ce que tu veux. Mais alors que, malheureusement, ce bouet, c'est pas mauvais, mais voilà. Il c'est manque le petit quelque chose. Mais bon. Et quid du morceau phare de l'album ? Bah, c'est le slow d'enfer, comme j'adore. Mais il chante super bien. Hein. C'est. Il avait vraiment une carrière qui était toute tracée. Ouais, hein. C'était bien. À la base, c'était quand même un des choristes de Michel Jonas. D'accord. Qui, malheureusement, quand Sims est mort, il lui a même dédié une chanson, tu vois. Oh. Tellement qu'il était proche de Arthur Sims, Michel Jonas. Alors là, on va passer à ton second choix. Ouais. Ça sent un petit peu le jazz. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, on va s'écouter Now is the Time de Charlie Parker. Et c'est évidemment extrait de Bird. C'était Now is the Time de Charlie Parker, extrait de la BO de Bird. Donc c'est un film que j'ai vu en salle à sa sortie et en fait... Oh, en quelle année, 87. Ah oui. Et en fait, la veille de sa sortie, pour être précis, ça c'est pour la grosse anecdote, il y avait à deux pas de chez nous une radio FM locale qui s'appelle Radio Cassis et j'ai vérifié, ça existe toujours. Donc Oui. Tu nous en es pas déjà parlé. C'est bien possible. Oui. Et en fait, ils émettent toujours sur la région dijonnaise et comme toute radio, t'avais des jeux pour faire gagner les auditeurs. Et comme on habitait pas loin, c'était facile de te déplacer. Voilà, quoi. Puis surtout de passer quand ils disaient le deuxième qui nous appelle gagne deux places et hop, t'étais dans les premiers quoi. Donc j'avais gagné des places pour aller voir Bird au cinéma. J'avais adoré ce film, même si la personnalité de Charlie Parker, ça m'avait pas du tout accroché à l'époque. J'étais un petit peu jeune pour comprendre, mais le côté musical... Oui, pour apprécier, ouais. Ouais, le côté musical, j'avais vraiment adoré. Et j'ai racheté le vinyle, et la BO a une belle histoire, parce qu'en fait, Clint Eastwood, qui a réalisé le film, voulait au départ faire réinterpréter les morceaux. Ce qu'il faut savoir que Charlie Parker, donc c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est fin des années 30, début des années 50. Les masters peut-être un peu abîmés. Voilà, donc les pistes sont pas exploitables, on va dire, à première vue. Et en fait, les premiers essais n'ont pas été concluants, et l'équipe a décidé de restaurer des enregistrements d'origine de Charlie Parker, donc qui date des années 40 à 1955. Ah ouais, il y a eu un gros travail, quoi, de restauration. Voilà, rien un très très gros travail. Ah ouais. Et donc, moi, ça m'a fait plaisir déjà de retrouver ce vinyle. Parce que justement, le morceau que j'ai choisi, Now is the Time, c'est un thème que j'ai gardé en tête un bon bout de temps, hein, parce que je l'aime bien. Il est, je trouve qu'il est bien foutu, et j'ai revu le film, alors pas vraiment récemment, mais j'ai vraiment bien aimé ce qu'avait fait Clint Eastwood sur et aussi Forest Whitaker, donc qui interprète Charlie Parker, qui a eu un destin vraiment ouais. assez... assez particulier dans le monde du jazz. Et je te sais un peu amateur de jazz. Qu'est-ce que t'en as qu'est-ce que t'en as pensé? Alors quand tu me déjà moi je connaissais pas malheureusement l'existence de ce film, donc ça m'a déjà intrigué, donc je pense que ça sera un des prochains visionnages. Et quand tu m'as envoyé la BO, j'ai fait oh, faut trop que je l'envoie à mon père, ouais. parce que tu n'es pas sans savoir que oui. mon papa est un jazzman accompli, que c'est son métier. Mm-hmm. Et je te lis le SMS qu'il m'a envoyé. Donc, bien reçu l'album, que j'ai évidemment téléchargé. Tu as très bon goût, du jazz comme j'aime. Entre parenthèses, tu me connais bien. On se voit samedi, bisous papa. Donc, je valide chaudement parce que je suis fier d'avoir présenté quelque chose à mon papa. Je pense qu'il connaissait. Bon, évidemment, il connaissait, mais pas la BO même, hein, Charlie Parker. Du coup, il m'a un peu pitché l'historique du bonhomme et tout. Parce que... Et là, il m'a dit, mais c'est vraiment le genre de jazz que moi, j'aime, mon père, mm-hmm. il m'a dit. Tu vois. Et là, bon, j'ai pas tout validé parce qu'il y a des trucs... Moi, j'aime bien, tu sais, quand le jazz... Évidemment, je parle avec mes mots, mais le jazz que je dirais confidentiel, mm-hmm. c'est-à-dire où tu es en petite ambiance un peu enfumée, tu sais. Voilà, il y a des trucs que j'apprécie un tout petit peu moins dans l'album, mais dans la globalité, ouais. on est dans du grand jazz, hein, comme mon père m'a appris à l'aimer. Ouais, quoi. Ouais, c'est un chouette film à voir, je pense. Alors, on change complètement de style pour ton prochain choix. Ah ouais. Alors là donc, j'ai envie de te dire, tu mets tes collants, tu mets ton juste au corps, tu mets tes chaussettes qui remontent à mi-cuisse et on s'écoute tout de suite la BO de Flashdance et le titre, c'est Maniac. On vient de s'écouter le titre Maniac de l'album Flashdance. Et donc ce morceau est chanté par Michael Sambello. Donc je ne vais pas vous pitcher le film parce que très sincèrement, je sais qu'amis poditeurs, vous écoutez d'autres podcasts, dont l'excellentissime 2 heures de perdu, et qui traite très très bien le film parce qu'objectivement, ce n'est pas un super film. Donc ils en parlent très très bien avec beaucoup d'humour. Est-ce que les gens retiennent du film? Bah, évidemment, c'est sa musique. Donc je trouve que pour le coup, on est complètement dans le thème du jour. Et bah, tu sais, Murdoch, je raconte très souvent que ma sœur aînée était fan de danse. Tu sais, c'est pour ça que je connais un peu tout ça. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment une Madeleine de Proust, tu vois. Souvent, tu sais que j'aime bien fonctionner à ce type de référence. Voilà, faut que ça m'évoque quelque chose, voilà. Du coup, bah, j'ai racheté l'album en le voyant, j'étais super content, que j'écoute pas toujours, mais que j'écoute assez régulièrement. Et je trouve que mon choix même a été difficile parce que sur l'album, on a du Irène Cara qui chante What the Feeling. On a Lady, qui est un peu moins connue, mais que j'aime tout autant de Joe Esposito. Et on a même du Donna Summer qui chante Romeo. Ouais. Donc vraiment... Du Marauder derrière encore. Ouais, bah oui, ouais, c'est vrai, tiens, j'ai pas fait exprès. Mais pour moi, le titre, qui déchire tout, bah, c'est bien Maniac. Une énergie folle qui s'en dégage. T'as vraiment envie de sauter sur place. T'es de vraiment. Un peu comme, tu vois, je dirais que c'est le penchant féminin des films, des BO de Rocky. Bah voilà, donc bah, ma sœur, moi j'en ai mangé en veux-tu en voilà tout petit du Flashdance. Donc c'est vraiment une BO qui m'a accompagné toute mon enfance. Voilà, donc prochain épisode, on fera Dirty Dancing, ouais, on est bien bah d'accord. Oui, et là, je fais une petite dédicace à nos singes préférés, à savoir Yetcha, parce qu'il faut savoir que Carpenter Brut a fait une reprise en live que je vous conseille, qui est exceptionnelle. Voilà. Alors bon, évidemment, question, quid de ton affect sur Flashdance? J'ai un souvenir très très lointain du film. Alors les chansons, je les... Il est dispensable, hein, le film, hein, c'est cliché. Je ne le reverrai pas pour l'occasion, je pense. Non. Alors, il y avait forcément des chansons qu'on connaît tous par cœur, hein, c'est-à-dire What a Feeling, comme tu as cité, là, ça revient direct. Quand tu l'as choisi, je me suis dit, je vais me bouffer de la soupe. Je me suis dit, parce que je ne connaissais pas la BO. Bah, c'est un peu le cas quand même, c'est de la bonne soupe des années 80. Ouais, mais tu vois, je suis un peu plus nuancé dans le sens où tu te rends compte qu'en vieillissant, tu redécouvres pas mal de choses. Ouais, c'est une BO qui est quand même pas désagréable, ça passe, mais il y a quand même des points faibles. Ah oui, il y a beaucoup de points faibles, mais il y a du très très bon. C'est ça en fait le problème, c'est que tu as vraiment, pour moi là, on est dans les gros charts, et puis tu as des trucs complètement dispensables. C'est ça, hein. C'est le côté irrégulier de la chose qui m'a un peu, je dirais pas déçu quoi, mais bon, c'est une belle BO quand même, ça s'écoute tranquillou quoi. D'accord, donc tu valides pour les quelques morceaux que j'ai cités, je crois. Oui. Ouais, mais c'est pareil, hein, je te rassure. Alors je pense qu'on va rester un peu, on va continuer à danser, hein, parce que ton choix actuel est également une BO d'un film relativement dansant. Je te laisse nous en parler. Donc on va s'écouter Sweet Home Chicago des Blues Brothers. C'était donc Sweet Home Chicago des Blues Brothers et c'est une reprise d'une chanson de Robert Johnson, donc qui est très très vieille, ça date des années 30. Alors pour moi ça a été le premier choix dans ma tête quand tu m'as parlé d'un manche disque spécial BO, parce que j'ai récupéré un vinyle qui doit être d'époque, qui tourne super bien. Et alors pour parler de la BO, évidemment, il y a le fameux Everybody Needs Somebody to Love, incontournable. Mais j'ai choisi le Sweet Home Chicago pour illustrer cet album, parce que pour moi... Tu fais ton whiz, fait, quoi. Tu prends pas, tu restes pas dans les rails. Parce qu'il y a un côté important à la chose, c'est que les acteurs chantent sur tous les titres. Oui. Et c'est quand même pas souvent qu'il y a un album d'une BO... Culte. Ouais, culte. Et c'est surtout les mecs qui le chantent eux-mêmes, donc c'est vraiment bien. Et en plus, les versions sur disque ne sont pas les versions du film, c'est-à-dire elles sont un tout petit peu... elles sont un petit peu différentes. Ah, d'accord. Je pense que sur le film, ils ont dû prendre un petit peu du live et ils ont dû faire des morceaux studio pour les albums. Et rien que pour ça, j'ai voulu prendre Sweet Home Chicago, parce qu'ils chantent tous les deux, en fait, sur ce morceau-là. C'est marrant parce que, bien évidemment, j'ai également la BO parce que je trouve que le format vinyle s'y prête complètement. Et avant qu'on prépare l'émission, j'étais persuadé que sur l'album des Blues Brothers, c'était Clapton qui chantait. Alors, est-ce que tu pourrais un peu développer ? Ouais, si. Clapton, il l'a reprise avec plein d'autres musiciens. Alors, je sais plus à quelle occasion, mais oui, il a une version super connue de Clapton de ce morceau-là. Ouais. Alors moi, j'ai une petite anecdote, encore une fois. Connais-tu le jeu Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo ? Alors là, non. Eh ben, en fait, c'est un petit jeu vraiment sympa. En fait, je vais être franc avec toi, j'ai, entre guillemets, appris à connaître la BO des Blues Brothers à travers ce jeu. Il y avait le thème phare des Blues Brothers présent dans ce jeu. Donc, donc j'ai fait, c'est vachement bien et tout. Il y avait aussi du Black Sabbath et tout. Donc, paradoxalement, j'ai fait mon éducation musicale des Blues Brothers à travers ce jeu qui est encore très, très joué. Voilà. Donc, c'était le petit hors-sujet, comme d'habitude, qui ne sert à rien. Alors, juste pour ajouter aussi un petit truc, c'est le thème de Rawhide, donc, qui est sur la BO. Et la situation du film, elle est assez géniale. Donc quand ils arrivent dans un bar avec un grillage pour les séparer du public, pour pas prendre les canettes dans la gueule, j'ai trouvé que c'était assez, assez rigolo. C'est marrant, moi je m'en souviens très peu de ce film. Il faudrait que je redonne sa chance. Il faut le revoir. Je crois que la suite était assez dispensable de mémoire. La suite, je l'ai pas vu, mais j'ai vu l'original de 80. Mais ouais, dans l'ensemble, il y a du lourd parce qu'il y a Fink, il y a vraiment beaucoup de. Il y a James Brown, Ray Charles, Franklin, il y a Carrie Fisher aussi qui joue dedans. Ouais. Exact. Ouais, voilà, c'est un film qui est vraiment sympa. Alors, on va passer au hors-sujet réédition. Et pour le coup, tu nous as choisi Club to Death, entre parenthèses, Lola. Et le titre que j'ai retenu, c'est le titre Club to Death. We'll be right back. c'était Club to Death. Et là, mon petit Murdoch, tu viens de dire, mais Mikado, c'est la BO de Matrix. mais c'est la BO de Matrix. Eh ben, pas du tout. C'est une chanson de Rob Dugan, aka Rob D, dans ce nom d'artiste, écrite en 1995. Elle apparaît donc dans la bande originale du film Club to Death en 1997, puis dans Matrix. Donc elle est à l'origine éditée sur le label discographique Mo Wax en 95. Et pourquoi j'ai retenu cette BO? Alors, j'avais été voir le film parce que l'actrice principale, c'est Elodie Boucher. C'était un de ses premiers rôles. Un film complètement dispensable. Je ne t'invite pas à le voir parce que je l'avais trouvé déjà très mauvais à l'époque. Mais la BO, elle m'avait scotché à l'époque. À tel point que je m'étais fait un devoir d'acheter le CD. Il est introuvable aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à le récupérer. Dans l'ensemble, c'est un peu de l'électro slash trip-hop que j'affectionnais à mort. Tu sais, j'en parle assez régulièrement. Un jour, on fera un truc sur le trip-hop, hein. Il y a un truc à faire sur l'électro, quoi. Et avec un peu de sonance, un peu de techno, et je trouve... que ça vraiment pour moi c'est la musique telle que je l'écoutais à la fin des années 90, milieu des années 90, et cette BO ne m'a jamais quitté. Quand t'as parlé un petit peu de réédition hors sujet machin, c'est tout de suite le premier truc qui s'est imposé à moi, et j'ai pris énormément de plaisir à réécouter l'ensemble de la BO que je trouve quasiment parfaite. Quel est évidemment ton avis? Est-ce que tu connaissais déjà le film, la BO? Alors je connais pas du tout le film, la BO encore moins. Évidemment, mais oui, c'est très très électro. Alors, c'est pas vraiment le style de musique qui m'attire à première vue, mais effectivement, c'est le côté plus trip hop, moi, qui m'a plu. Et c'est pas mal en fait ce qu'il réussit à faire, c'est qu'il réussit justement à allier électro avec du piano. Les transitions sont vraiment bien. Et au bout du compte, c'est une BO qui passe toute seule. Il y a un petit Chemical Brothers qui fait toujours son petit effet. Je l'écouterai pas tous les jours, mais ça passe vachement bien. Après, il y a le Madeleine de Proust un petit peu, parce que moi ça m'a accompagné. J'écoutais ça en voiture quand j'étais plus jeune avec Mikanette. Tu vois. Mais au-delà de ça, moi c'est une BO que je conseille chaudement parce que c'est une de mes préférées dans les 90s. Hein, je le dis clairement. Et puis elle est assez homogène quand même. Elle a pas de creux comme on a pu le dire sur des BO précédentes. Elle pose bien. C'est. Alors bon, s'il faut louper le film, je suis ravi que ça te convienne parce qu'Élodie Boucher, non, j'aime le bien film, aussi. Le film, moi j'étais fan, hein, chacun cherche son chat, tout ça, Clapiche, tout ça. Moi c'est une comédienne que j'adore, mais le film est dispensable. Ouais. Hein, en gros, c'est Nanette qui se réveille à un terminus, qui se retrouve dans une rêve malgré rêve, avec Roche Dizem et tout. Et bon, évidemment, la musique est un acteur principal. Et elle sauve un petit peu le film. Et je trouve que c'est vrai que pour le titre que j'ai retenu, les auditeurs, je suis sûr que vous pensez aux scènes un peu de slow motion ou de bullet time de Matrix. Et je reconnais que ça s'y prête vraiment bien. Moi, je pense tout de suite à Club to Death parce que c'est par ça que par ce canal que je l'ai connu. Mais dans le cadre de Matrix, ça tue, quoi. Enfin, vraiment, ça représente bien le film Matrix. Hein. C'est un excellent choix pour cette BO. Ouais, carrément. Ouais. Alors là, donc, évidemment, on passe à ton choix. Qu'est-ce que tu vas nous proposer, mon cher Murdoch ? On va s'écouter le thème de Kaneda, extrait de la BO d'Akira. C'était donc Kaneda, extrait de la BO d'Akira. Donc c'est un film d'animation sorti en 88. À l'origine, c'est un manga. Alors c'est un peu compliqué de raconter le film, de le pitcher, hein, mais c'est une œuvre majeure, on va dire, de cette époque-là. C'est très futuriste, avec une très très belle intrigue. Alors pour parler de la BO, elle est l'œuvre de Geno Yamashiro Gumi. Excusez mon japonais approximatif. Et... Non, t'as bien révisé. Hein. C'est juste la cinquième prise, mais non, je rigole. Alors, pour la petite histoire, c'est un collectif japonais, mais quand même un beau collectif, hein, puisqu'ils sont quand même une centaine de personnes derrière. Alors, ils sont branchés ethnomusicologie, c'est-à-dire qu'ils vont pêcher des méthodes et des instruments à travers le monde. Et le résultat, bah, ça donne cette BO qui est... alors, comment te dire ? Moi, j'ai trouvé ça très mystique. Ça allait très bien dans le film. Et je l'ai choisi surtout pour la réédition en double vinyle que ma maman m'a offerte pour mon anniversaire. Oh. Donc, merci maman. Bel objet. C'est un super beau cadeau. Le son du vinyle est génial. Alors, c'est... comment dire ? C'est un super disque pour tous ceux qui aiment le manga ou le film. Mais je pense que c'est quand même une musique qui est assez, assez singulière. Il y a certains moments où c'est un peu bizarre. Sans avoir d'affect sur Akira, ouais. C'est parce que c'est malheureusement un peu mon cas. Enfin, j'aime bien, mais je suis pas un fan comme j'ai pu en rencontrer. Mm. Et c'est vrai que le thème de Kenen, il est culte. Hein, mais il est intrinsèquement lié à l'animé. Du coup, quand je l'écoute, bah, j'ai Akira en tête. C'est pas quelque chose de dissocié, vraiment pas du tout. Et bon, évidemment, j'ai écouté la suite. Hein, et là, malheureusement, connaissant un peu moins l'œuvre, je l'ai déjà vu, hein, comme tous, hein, mais je ne l'ai pas vu 400 fois comme Notre Nicolas, par exemple. Tu vois. Du coup, ça ne m'a pas porté. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'écouter. Il y a des plages qui sont plus difficiles. Hein. Il y en a une où il y a un son de flûte à bec larcéné avec un gars qui tape sur deux bouts de bois entre eux, un troisième qui démarre des cris de loup. Oui, mais dans le contexte du film, ça sert le film. C'est ça qui est difficile parce que, objectivement, moi, j'ai pas apprécié, mais elle est indispensable pour le film. Franchement, sans cette OST, ça serait pas Akira qu'on connaît, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir un avis net. Mais bon. Et tu nous dégaines pour la suite. Alors là, on va vraiment se trémousser sur du Cool and the Gang, dédicace à mon pote Looping, avec le titre Jungle Boogie, tiré de l'album Pulp Fiction. Donc c'était Jungle Boogie hein, de Pulp Fiction. Alors je le dis tout net, hein, je parlais de Club to Death, mais mon numéro 1 parmi les numéros 1 des BO fin des années 90, c'est Pulp Fiction. Je l'ai en CD, je l'ai racheté en vinyle. En plus il coûtait 10€ à la Fnac, j'étais comme un fou. C'est simple, film culte, hein, moi la palme d'or méritée. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois et j'ai encore plus écouté cette BO parce que là pour le coup ce que c'est faire, parce que c'est donc tiré du film de Tarantino qui est un mélomane accompli, il sait choisir ses musiques parce que non seulement, alors là il a la double étiquette le garçon, parce que non seulement elle sert totalement le propos du film, je sais pas comment il se débrouille, mais elle s'écoute même si tu connais pas le film. Et pourquoi j'ai retenu ce titre ? C'était difficile parce que j'aime vraiment tout. J'aime à dire que Cool and the Gang, ils n'ont pas fait que de la soupe mielleuse des années 80 parce que c'est un titre de 1970. C'est vraiment très jazzy dans l'approche. Souviens-toi, dans l'IRL, j'avais parlé de Cherish, machin, que j'aimais beaucoup, etc. Mais leur période... pur funk un peu, tu sais, fin. Et là, je t'invite à écouter leurs différents albums. C'est vraiment le haut du panier. Je suis même un peu étonné qu'ils aient radicalement changé de genre parce que Jungle Boogie, c'est un titre énormissime. Et quand tu dis « Ah, c'est génial, c'est qui ? C'est Cool and the Gang ?» Souvent, bon évidemment maintenant c'est connu, mais à l'époque de la sortie de cet album, les gens disaient « Ah bon, c'est du Cool and the Gang ?» Mais je croyais qu'ils faisaient de la soupe, quoi, pour être poli. Alors... voilà, donc je suis content pour le coup de réhabiliter ce groupe et bien évidemment je te demande ton opinion. Le film il est mythique hein, parce que il a scotché quand même une génération hein, parce que c'était quand même assez novateur. Moi dans la BO ce qui m'épate le plus c'est d'aller récupérer des titres comme Missir Lou de Dick Dale parce que c'est un morceau qui est terrible et qui s'était un petit peu perdu dans le sens où pas mal de monde l'avait quasiment jamais entendu, hein. Moi je connaissais pas du tout avant. Et c'est tout le talent de choisir des bons morceaux ou une bonne musique, hein. Le Lonesome Town de Ricky Nelson aussi, il est super bien placé. Je trouve la chanson très belle et sans ce film j'aurais jamais entendu. Le Son of a Preacher Man aussi, elle est un peu plus connue, mais elle a toute sa place dans le film. Et un morceau que j'aime bien écouter, c'est le Comanche avec le son de saxo tout crado, là, bien saturé. Mais ouais, c'est une très très belle OST. C'est Tarantino qui sait. Alors, je sais pas si c'est lui ou son superviseur qui a bien choisi les disques. Et toi, t'as pas le disque, c'est pas ta. Je l'ai en CD verbatim, pour tout te dire. Oh, c'est pas propre. Hein, je l'ai pas encore en vinyle, mais ça serait tardé. Et ça, tu sais, en plus, tu sais, il aime bien le pulp. Bah c'est oui, ce que c'est. C'est un peu les ancêtres des ouvrages. Les vieilles revues. On passe à ton dernier choix. Alors, pour vous raconter un peu les coulisses de l'émission, cher poditeur, faute de planning, Wiz et moi n'avions pas pu faire cette émission parce qu'à la base, on devait la faire également ensemble. Et c'était une sélection qu'avait retenue Wiz. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière sélection, Murdoch ? On va s'écouter Flash, donc de Queen, évidemment. Flash ! C'était donc le thème de Flash chanté par Queen. Flash, Flash Gordon approaching, open fire, Flash. Moi je suis au taquet, hein. je valide mais à mort. Hein. Limite je l'avais plus ou moins retenu mais je l'ai pas mis parce que je l'ai pas encore acheté le disque. Hein. Alors c'est Queen, donc c'était parti pour être parfait. Bon, on a quand même affaire à un côté assez chelou de Queen. Oui. Alors en fait, c'est, soyons c'est beaucoup honnêtes, d'extraits hein. Parlés du film. C'est du demi-Queen, en fait. Oui, c'est un peu de musique, j'aurais qualifié un petit peu abstrait, avec des nappes de synthé. Mais le thème de Flash, il est quand même assez magique. Ah, moi, je l'ai entendu quand j'étais tout gamin. Et il m'est resté en tête très, très, très longtemps. Le reste de la BO colle vachement à l'ambiance science-fiction du film. Les bruitages sont au poil. Alors là, on est de la science-fiction. Oui, parce qu'il y a des habillages sonores tirés du film. Il y a des vrais rayons laser. On m'a dit que c'était des vrais. Hein. Ouais. Ah oui. Ah mais non, mais j'en doute pas. Hein. Ça a brûlé quelques murs. Hein. Mais bon, on va parler quand même assez rapidement du film. Et là, on touche au paroxysme du film qui veut faire grand, mais qui n'y arrive pas. À mon sens, c'est un nanar, hein, non? Faut le voir avec les yeux d'enfant et ça passe tout seul. Et moi c'est marrant parce que Flash Gordon c'était un personnage qui était vraiment très très culte hein, pour dans les années 80. Guy Leclerc hein, chez lui. Et c'est marrant parce que le film j'en garde très peu de souvenirs, mais en revanche je me souviens vachement bien du dessin animé avec l'infâme Ming et tout. Je me souviens de la BD moi plus. Je devais avoir ça dans les Picsou, je crois bien. Oh, Picsou, c'est pas possible, ouais. On demandera à Spade de confirmer, quoi. Et pour revenir un petit peu au film, malheureusement, j'en garde pas un souvenir ému. Peut-être je me le ferai avec mes enfants en mode nanar, tu sais, ou je sais pas, ou alors, oh là là, sacrilège, faut pas le regarder. Non, faut le voir, c'est très sympa avec les décors papier mâché, avec les hommes volants sur impression. Et l'infâme Ming qui est un peu le cliché de l'Asiate, mais vert, enfin voilà quoi. Enfin bon, Spade en parlerait mieux que nous, hein, donc on le laisserait parler, mais c'est vrai que moi la BO, déjà la pochette, je la trouve vraiment géniale. Et la BO, c'est vrai que bon, c'est pas évidemment pas le meilleur de Queen, mais le thème de Flash, c'est du grand Freddie Mercury dans le chant. Il chante pas beaucoup, c'est un peu ce que je dirais pas que je reproche, mais justement, c'est tout l'intérêt de cet album-là, c'est qu'on découvre Queen en faisant autre chose que ce qu'ils savent faire, et je trouve que c'était sympa d'avoir cet aspect-là de leur côté musical, quoi. C'est tout nouveau. Très honnêtement, ça fait un peu commande, hein, mais comme album, mais une commande bien respectée. C'est bien. Et est-ce que tu te rappelles un petit peu de la distribution de ce magnifique film? Ah bah oui, il y a Ornella Muti dedans. Le futur James Bond. Flûte. Timothy Dalton. Timothy Dalton. Ah oui, c'est vrai, oui. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu le film Ted récemment avec Mark. Et en fait, l'acteur qui fait Flash Gordon, il fait un gros caméo, on va dire, dans le film. Parce que le personnage principal le cherche, lui voue un culte. C'est ça. Et en fait, limite, ça serait le côté méta du truc, c'est tu te fais Flash Gordon et tu regardes Ted juste après. Oui. Bon, pas le 2, le 2 n'existe pas. Hein. Mais là, tu te fais une bonne soirée rigolade, je pense, parce que il est complètement barré. En fait, il surjoue le type. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri parce que c'est Flash en mode clicheton. Qui est resté bloqué dans les années 70-80. Voilà. C'est ça, voilà. Blonde platine alors que le type, il a 70 berges, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, pour rester dans le sujet, la BO de Flash, c'est un peu spé, hein, faut vraiment rentrer dedans. Ouais, mais dans l'ensemble, j'ai pris énormément de plaisir à le réécouter. Et si je le retrouve pas trop cher en vinyle, je pense que je me le prendrai. Donc, on parlait de la BO de Flash par Queen, mais il me semble qu'il y a un morceau qui t'a particulièrement interloqué, on va dire. Ah oui, parce que c'est vrai que là, le thème Flash, il est super connu, mais il y a un morceau qui m'a interloqué, comme tu dis, c'est le titre Football Fight. Quand tu écoutes bien, tu dis, mais j'ai déjà entendu ça. Et en fait, oui, parce que c'était présent sur la BO du dessin animé Ulysse 31. Donc bien évidemment, nous saluons David Collin, hein, qui a recomposé la BO qu'on a tous acheté à la E-Team d'ailleurs. Et je lui ai posé la question. Et en fait, il m'a confirmé que c'était le titre, les deux Télémac. Donc rappelle-toi l'épisode là où Télémac rencontre Télémac. Et en fait, quand tu écoutes bien, c'est impressionnant comme le morceau est sensiblement similaire. Alors est-ce qu'on est dans l'hommage ou dans le plagiat ? J'ai un peu envie de dire le second. Donc, est-ce que exceptionnellement, tu crois qu'on pourrait s'écouter un petit medley ? Un peu des deux. Arrive déjà à cette fin d'émission. Ouais, c'est vrai que le tour, non, parce que je pense qu'il y a. On ne s'interdit pas de faire les OST volume 2, 3, 4, 12, parce qu'il y aurait vraiment matière à faire plusieurs émissions. Et donc, on va clôturer sur un choix collégial de Murdoch et moi. Et je vais vous proposer la BO de Ghostbuster, qui est un film cultissime. Hein, on en avait fait même un podcast dans nos premières saisons, et qui est chanté par Ray Parker. Murdoch, encore une fois, merci de m'avoir accueilli. T'es chez toi ici, comme tous les membres de l'équipe. Ouais, mais bon, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu aux platines. Ça me fait super plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on refasse un autre numéro dans le thème. Peut-être ça sera Wiz. Peut-être ça sera toi et quelqu'un d'autre. Pourquoi pas. En tout cas, donc encore une fois, merci. Puis on se quitte sur SOS Fantôme. Et qui en appelle ? Ghostbuster. Ciao. Ciao, ciao. Afraid of no ghosts.